dance to the fly, to the feeling of now. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a découvert le rock avec mon prof d'anglais. Les paroles sont géniales. Ah, super ça! Et sinon, ta chambre, elle serait pas un petit peu rock'n'roll aussi? Mais papa! Pendant les vacances, Acadomia propose des stages d'anglais façon summer camp, à domicile, en centre ou en ligne. L'occasion de profiter de l'été pour progresser, où que vous soyez. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Et en cette journée d'ouverture de la vaccination à l'ensemble de la population française et alors que le soleil s'installe et que les terrasses et les lieux de culture ne désemplissent pas, nous avons eu envie pour notre émission mensuelle consacrée à l'actualité scientifique autour du Covid de nous poser cette question et si c'était le début de la fin. Les chiffres, hospitalisation, réanimation, incidence continuent de régresser. Si le rythme de vaccination est maintenu, la quasi-totalité de la population française devrait avoir reçu ses deux injections d'ici l'automne. Et si l'été qui s'amorce annonçait la sortie de cette année et demie de pandémie, avant de pouvoir affirmer cela, il reste malheureusement encore quelques interrogations. Covid, le début de la fin, c'est le programme optimiste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de cartographier les zones d'ombre, mais aussi les zones de lumière quant à l'avenir de cette pandémie et à l'évolution du virus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Lina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon, membre INSERM du CIRI, le Centre international de recherche en infectiologie, directeur du Centre national de référence des virus et des infections respiratoires et membre du Conseil scientifique. Et nous sommes également en ligne avec Samuel Alizon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur CNRS affecté au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle à Montpellier. Également auteur de Évolution, écologie et pandémie, c'est au point seuil. Mais on commence, avant de vous retrouver, par un tour de l'actualité scientifique du week-end, également de l'actualité du Covid. Et c'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence justement ce journal avec un rapport du CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, qui affirme qu'après avoir été vacciné, il est très rare de contracter le Covid-19. On sait que les vaccins sont très efficaces, mais un petit pourcentage de personnes entièrement vaccinées, avec toutes les doses nécessaires, peuvent développer malgré tout des infections au SARS-CoV-2. Alors, le CDC a voulu quantifier ce phénomène. Aux États-Unis, environ 101 millions de personnes ont été entièrement vaccinées. Sur ces 101 millions de vaccinés, du 1er janvier au 30 avril, seuls 10 200 cas positifs ont été répertoriés, ce qui est donc très peu. Et dans le détail, 995 patients, 10% ont été hospitalisés et seuls 160 patients, 2% sont décédés. De plus, parmi ces 160 morts, 20% de ces décès ne sont peut-être pas liés au Covid-19. Alors certes, les auteurs de ce rapport reconnaissent eux-mêmes que de nombreuses infections asymptomatiques doivent passer au travers des mailles du filet, mais ces résultats montrent que la vaccination réduit efficacement les risques d'hospitalisation et de décès. Et si vous voulez avoir le détail de ces chiffres et de l'étude, et bien comme tous les jours nous la publions via un lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. La station spatiale internationale a été percutée par un débris. Oui, le bras robotique de l'ISS Canadarm 2, qui aide à manœuvrer un des objets à l'extérieur du vaisseau, a été percé par l'impact d'un petit débris. Plus petit qu'une balle de tennis et donc trop petit pour être détecté et évité. Selon l'Agence spatiale européenne, à environ 130 millions de débris spatiaux de moins d'un millimètre de large orbitent autour de la Terre. L'an dernier, l'ISS a dû manœuvrer 3 fois en urgence pour éviter une collision. Alors Canadarm 2 est endommagé, mais il fonctionne toujours. Rien de grave pour la Station Spatiale Internationale, mais le phénomène des débris spatiaux est préoccupant et menace l'utilisation durable de l'espace. Et a fait l'objet d'une méthode scientifique dont nous allons vous poster le lien une fois de plus sur le même fil Twitter qu'il y a 2 secondes. La Chine espère construire le plus grand tunnel ferroviaire sous-marin. La Chine, qui possède déjà le plus long réseau de lignes TGV au monde, évoque depuis 2014 un projet. Celui d'une ligne longue de 13 000 km. La ligne Chine-Russie-Canada-Amérique, qui passerait par la Sibérie, puis l'est de la Russie, pour passer sous la mer, sous le détroit de Bering, afin de rejoindre l'Alaska. Un tunnel sous-marin 4 fois plus grand que le tunnel sous la Manche, avec des trains à sustentation magnétique. Alors ce méga projet très ambitieux représenterait 200 milliards de dollars. Trop ambitieux même, ce n'est peut-être qu'une chimère. Et enfin, les chercheurs ont découvert une espèce de tortue géante considérée comme éteinte depuis très longtemps. Chelo noadis fantasticus, cette tortue géante des Galapagos n'avait pas été observée depuis 115 ans. Il ne nous restait qu'un seul spécimen conservé depuis 1906. Alors dans le cadre de Rewild, le programme de recherche d'espèces perdues, une équipe internationale a découvert en 2019 une tortue bien vivante sur l'île Ferdinanda des Galapagos. Alors c'est une femelle adulte qui a été baptisée Fernanda, ou Fern pour les intimes. Des tests ADN du spécimen naturalisé et de Fern ont confirmé qu'elles appartiennent à la même espèce. Fern a été transférée sur une autre île. Les chercheurs espèrent qu'elle pourra prolonger sa lignée. Et l'équipe poursuit ses investigations à la recherche d'autres consoeurs. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Avant de nous lancer dans le cœur de notre émission, peut-être une réaction à l'un et à l'autre, Bruno Lima, Samuel Alizon, sur cette étude, ce rapport du CDC sur les cas de Covid contractés post-vaccination. Comment est-ce que vous estimez l'un et l'autre ces chiffres, Samuel Alizon? C'est l'occasion de rappeler que la vaccination, le développement des vaccins, ça a vraiment été le rayon de soleil dans cette épidémie. Vraiment, c'est ça qui fait qu'on peut être optimiste raisonnablement sur la suite. Ensuite, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a tout un travail au niveau de la santé publique, parce que on sait toujours, il va toujours y avoir des vaccins qui, pour certaines personnes, pour des raisons X ou Y, vont moins bien fonctionner. Et donc, il y a de nombreux scientifiques qui ont alerté en amont pour vraiment qu'on prenne ça de front, pour préparer l'opinion publique à ces quelques cas, en fait, et à ne pas se focaliser là-dessus. Donc, en tout cas, c'est vraiment, oui, ça confirme vraiment cet effet positif des vaccins. Bruno Lina. Oui, tout à fait, Samuel a raison. Au bout du compte, ce qui est très important, c'est d'avoir des mesures de cette efficacité vaccinale en situation réelle. Je dirais que tout ce que l'on peut faire et générer comme information sur les essais dans les tubes que l'on peut faire pour regarder si les anticorps produits lorsque l'on a un vaccin permet bien d'empêcher la culture du virus dans un tube à essai, c'est important, mais ça donne pas tout à fait la vision globale de ce que peut être une efficacité vaccinale, parce que souvent le vaccin c'est plus que simplement un anticorps. Et d'avoir des données aussi rassurantes, je dirais, sur cette vaccination en population et le fait que vraiment on comprend comment un vaccin peut freiner à ce point-là la diffusion d'un virus, eh bien c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche et surtout extrêmement prometteur. Mais alors, je vais évidemment, et c'est mon rôle, me faire l'avocat du diable, mais tout de même, on parle de 160 patients décédés, alors sur plus de 100 millions de personnes vaccinées, ça reste tout de même 160 personnes qui ont reçu un vaccin qui les a tués, et ça inquiète, et ça, comme ça a pu inquiéter la population générale pour les cas de thrombose. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces 160 décès, malheureusement, ils sont pas évitables, ils sont évitables. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Samuel Alizon? C'est toute la difficulté de la santé publique, et c'est vrai que ça paraît de l'extérieur froid et peut-être inhumain, mais de comparer finalement cela avec les milliers, voire les dizaines de milliers de décès qu'il y a eu dans des pays qui n'ont pas pu bénéficier à temps de la vaccination. Donc encore une fois, on le sait, tant au niveau de... Là aussi, on peut aussi comparer ces risques, parce que donc vous parlez de ceux qui font des complications suite à la vaccination. Mais là, en l'occurrence, c'est les 160 patients qui sont décédés du Covid. Exactement, après avoir été vaccinés. C'est ce que j'allais préciser. Ils ne sont pas décédés à cause de la vaccination. C'est ça, non, parce que je crois que vous aviez dit ça. Donc c'est, mais ce qui est un autre souci aussi, c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires avec la vaccination. Là, il faut... Enfin, Je pense qu'il faut plutôt regarder les millions qui eux, ont été vaccinés avec succès et les dizaines de milliers qui ne sont pas morts des suites de l'infection. Bruno Lina, un mot rapidement sur ce rapport bénéfice-risque qui, s'il est aisé à comprendre quand on regarde évidemment les chiffres, n'empêche que ça peut susciter des craintes ou des appréhensions de la part des gens qui vont se faire vacciner. Je pense que le travail aurait gagné en lisibilité en parlant de décès évités. Parce que certes, il y a effectivement 160 décès, et vous disiez vous-même que l'étude analysait ces décès comme étant pas forcément tous dus à une infection au coronavirus, mais parmi les 100 millions de vaccinés, il y en a combien qui ne sont pas morts grâce à cette vaccination? Et c'est ça, en fait, qu'il faut regarder en parallèle. C'est le bénéfice à la vaccination beaucoup plus que l'échec marginal de 0, quelque chose pour cent. Alors, après 18 mois éprouvant pour toutes et tous et à l'approche de l'été. C'est vrai que nous avons tous envie d'y croire, que ça y est, que le plus gros de la pandémie est derrière nous, que nous avançons pas à pas doucement mais sûrement vers un retour à la normale et une sortie de crise. La vaccination progresse, elle s'ouvre, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui en France à l'intégralité de la population adulte. Les chiffres épidémiques régressent à peu près partout, moins de 20 000 patients hospitalisés en France, un plus bas depuis le mois de janvier, un nombre de contaminations quotidiennes retombées aux environs de 10 000 cas par jour, un taux d'occupation des lits de réanimation à l'avenant. Et si nous pouvions donc commencer à espérer, bien que c'est la fin qui arrive, si cette option n'est évidemment pas à exclure. Nous n'en sommes pas encore tout à fait à cet endroit. Il reste un certain nombre de questions en suspens et ce sont ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et parmi ces questions, une fait tout particulièrement débat ces dernières semaines. C'est l'origine de ce virus et l'éventualité de l'échappement d'un laboratoire. Écoutez ce qu'en dit le docteur Anne Sénéquier, qui est co-directrice à l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. On a vu des chiffres très probablement sous-estimés au début de la pandémie, une communication parcellaire, des obstacles administratifs aux enquêtes. L'enquête d'international de l'OMS a eu énormément de bâtons dans les roues de la part de la Chine pour qu'elle puisse se faire. Elle a été lancée qu'en 2021, alors que ça faisait un an que la communauté internationale et l'OMS l'a demandé. Donc c'est vrai qu'en termes de confiance, c'est difficile maintenant d'entendre « non, bien sûr, il ne s'est rien passé au laboratoire de Rouen ». Après, je pense qu'il est important d'explorer l'éventail des possibles. Il faut questionner le doute et c'est le rôle de la science. Mais il faut faire attention aussi de ne pas désigner finalement un coupable idéal qui soit politique, géopolitique et aussi sanitaire. Ça serait bien plus simple finalement de se dire ce Covid-19 vient d'une fuite d'un laboratoire, Rouen ou un autre, plutôt que de considérer cette hypothèse qui est aujourd'hui les causes d'émergence des zoonoses et qui fait intervenir l'augmentation de l'interface entre l'homme et l'animal, qui fait intervenir le changement d'utilisation des terres. Et ça voudrait dire finalement un changement radical sur la façon qu'a l'homme d'être à son environnement. Et ça, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de le prendre en considération? Probablement pas encore. Donc c'est vrai que d'un côté, il faut de toute façon explorer cela. Et à côté, il faut faire attention non plus de ne pas occulter les autres hypothèses parce qu'elles sont aussi importantes les unes que les autres. Voilà, c'est un gros point d'interrogation aujourd'hui dans la connaissance scientifique que nous avons de ce SARS-CoV-2. On en connaît un certain nombre de choses. Il y a une chose pour le moment qui échappe à la recherche, c'est l'origine du virus. Bruno Lina, Samuel Alizon, pourquoi est-ce qu'il est important pour la suite de connaître absolument, de trancher ce débat de l'origine du virus? Bruno Lina. C'est fondamental parce que si on veut se projeter un tout petit peu dans l'avenir, la pandémie SARS-CoV-2, on l'a subi. Mais ces phénomènes d'émergence à partir de virus zoonotiques, c'est-à-dire de virus qui sont présents chez le réservoir animal, il faut bien imaginer que c'est une zoonose parmi d'autres. Et donc, au bout du compte, on sait que ces introductions de virus ou de pathogènes venant d'animaux, elles vont se répéter. Et de mieux on analyse ces introductions, du mieux on pourra les prévenir et surtout lutter contre à la fois leur émergence et, si jamais elles émergent, lutter contre leur diffusion. Et c'est là où il est extrêmement important de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit parfaitement transparent et qu'on sache, sans avoir d'a priori, si c'est un problème de laboratoire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une origine humaine, ou est-ce que c'est un problème naturel et c'est une origine zoonotique. Et donc, pour cela, normalement, on doit pouvoir fournir les documents qui permettent de trancher. En tout cas, on sait que dans les laboratoires, qu'il s'agisse du laboratoire P4 de Wuhan, mais éventuellement d'autres laboratoires qui sont présents à Wuhan, parce que travailler sur les coronavirus ne se fait pas dans un P4, ça se fait plutôt dans un laboratoire P3. P3. Mais d'ailleurs, il y a deux, les recherches sur les coronavirus et sur le RATG13 se faisaient dans les P3 et pas dans le P4, à ce que je... Exactement. Et dans ces conditions, c'est assez simple, normalement, à ces laboratoires, d'être en capacité de montrer les cahiers de laboratoire, de savoir qui travaillait, sur quoi. Normalement, tout ceci est enregistré et c'est vrai qu'il y a un défaut de transparence de la part des autorités chinoises qui génère ce doute qui est insupportable. Mais il ne faut pas se caché derrière son petit doigt. Le risque zoonotique, même si jamais il y a eu une émergence de laboratoire, ce risque zoonotique, il reste réel. Et ça, il faut qu'on travaille dessus quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même s'il y a émergence de laboratoire, c'est a priori de toute façon, au départ, une maladie zoonotique, puisqu'elle est issue vraisemblablement de ces chauves-souris, que ce soit, encore une fois, la question de l'hôte intermédiaire reste entière, mais que ce soit celle des prélèvements de la grotte de Yunnan en 2013 ou celle plus récente. Samuel Ali, disons, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour le SARS-CoV-2 alors que ça n'a posé a priori aucun problème pour les deux précédents coronavirus zoonotiques que sont le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV? Alors bon, il faut être prudent sur le côté de facilité. Juste, je suis effectivement tout à fait d'accord avec Bruno Lina sur l'importance de cette question. Un point pour comprendre peut-être un peu ça, c'est de faire le parallèle plutôt avec l'épidémie d'Ebola. Qui a sévi en Afrique de l'Ouest, où là, effectivement, on a pu remonter à ce qu'on pense être le premier cas qui s'avérait être un enfant de 2 ans dans un village isolé, qui serait la première personne à avoir contracté le virus. Mais ce que vous voyez bien, c'est que Ebola et le SARS-CoV-2, au niveau de la physiopathologie, c'est complètement différent. Même si, bon, il faut aussi se méfier sur ces notions de patient zéro, mais en admettant qu'une personne à un moment était, qui est qu'un seul événement, en fait, de transmission de la chauve-souris à l'homme, si ça se trouve, cette première personne infectée ou ces 100 premières personnes infectées ne se sont jamais rendues compte qu'elles ont été infectées. Donc il y a une difficulté fondamentale pour une infection telle que le SARS-CoV-2, dont un des principaux problèmes est qu'elle est très asymptomatique, à remonter cette chaîne de transmission. Il faut aussi relativiser à un second niveau. Je suis pas du tout pour dédouaner les autorités chinoises ou soutenir la politique chinoise, hein, bien au contraire. Mais si on compare par exemple avec le cas de la France, dans le reportage que vous passiez, on parlait de chiffres sous-estimés, de communication parcellaire. Enfin, si les États-Unis demandaient accès à tous les cahiers de laboratoire de la France, enfin, ouais, par exemple, la base militaire de l'Oise, pour n'en citer qu'une, je doute qu'ils seraient accueillis à bras ouverts. Donc, il faut essayer de garder toutes les opinions, explorer toutes les pistes. Il y a peu de nouvelles données dans ce problème depuis le mois de juillet de l'année dernière. En fait, les rapports sur la mine, etc., étaient connus en juillet. Et il semble aujourd'hui, vous parliez d'autres intermédiaires, il y a eu quand même des résultats montrant que ce qu'on pensait être typique d'un pangolin trouvé d'un coronavirus trouvé chez un pangolin circulait aussi chez des coronavirus de chauve-souris. Donc bon. Quel serait aujourd'hui ce qu'on appelle le smoking gun, Bruno Lina, c'est-à-dire que puisqu'il va bien falloir trancher cette histoire à un moment donné, peut-être ne serait-ce que pour la paix publique et pour arrêter, pour couper court, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre à l'une ou de l'autre de ces théories, et également pour envisager l'avenir. Ça veut dire quoi? Il y a eu tout de même 80 000 prélèvements qui ont été faits sur 30 espèces qui n'ont rien donné par l'équipe de l'OMS. Quels sont les éléments dont il faudrait disposer qui pourraient discriminer l'une et l'autre de ces origines, c'est-à-dire zoonotiques ou bien d'une manipulation de laboratoire? Ça va être très compliqué maintenant parce qu'on est à distance de l'événement. Et alors, soit on a la chance et le virus continue à persister dans le réservoir intermédiaire, celui qui a fait la transmission depuis la chauve-souris vers l'homme. Et à ce moment-là, on est par le biais de capture d'animaux de faune sauvage ou peut-être d'animaux d'élevage aussi. Hein. On est en capacité de trouver ce virus avec qui présente les caractéristiques intermédiaires entre, en quelque sorte, entre le rat TG13 dont vous parliez plus et le SARS-CoV-2. Et dans ces conditions, on aura un élément qui pourra être un élément de certitude. L'autre possibilité, c'est qu'on ne le trouve pas parce que maintenant, ce réservoir a disparu. Parmi les espèces qui sont celles qui peuvent très facilement s'infecter avec ces coronavirus, sont les mustélidés, c'est tous les rongeurs, et c'est probablement assez difficile d'être en certitude sur l'origine de cette transmission, enfin de l'hôte intermédiaire qui aura permis la transmission, c'est un petit peu tard. Ce qui serait intéressant, en revanche, ce serait peut-être d'aller voir chez certains de ces animaux, en faisant des enquêtes qu'on appelle de séroépidémiologie, d'essayer de voir en prenant un peu de sang dans des populations très diversifiées, s'ils présentent ou non des anticorps, si certains de ces animaux ont une durée de vie qui est supérieure à celle qu'il y a entre le moment de l'émergence et maintenant, on peut-être avoir des éléments pour dire que ces animaux, à un moment donné, ont été infectés par ce virus. Mais ça va être, maintenant, on est un petit peu tard et ça va être très compliqué d'avoir une certitude. Ça, c'est pour l'origine zoonotique. Samuel Lison, qu'est-ce qui pourrait discriminer en faveur d'un échappement de laboratoire? On parle, il y a un précédent dans l'histoire qui est celui de la grippe russe de 1977, où on s'est rendu compte que le H1N1 était exactement le même que celui des années 50, qu'il n'avait pas du tout évolué, qu'il avait donc été congelé, et donc ça a plaidé pour l'échappement d'un laboratoire. Pour le SARS-CoV-2, quelle serait la preuve irréfutable d'un échappement de laboratoire qu'on pourrait obtenir? Encore une fois, moi, je serais même encore plus affirmatif que Bruno Lina sur la difficulté. Si vous comparez la vague épidémique qu'il y a eu en France, la première vague épidémique, dans l'équipe, on a analysé en collaboration d'ailleurs avec le laboratoire de Bruno Lina et d'autres laboratoires en France, les séquences de virus pour essayer de remonter à l'origine de cette vague épidémique, de la dater. On arrive à peu près à la dater. On pense que les introductions qui ont conduit à la vague épidémique, c'est en gros dans la deuxième quinzaine de janvier. Les données de séquences les plus récentes de la vague épidémique, je ne vous parle pas des prélèvements qui ont été faits chez des personnes, chez des voyageurs qui n'ont pas conduit à de chaînes de transmission. Sur la vague épidémique, les prélèvements les plus récents qu'on ait, c'est la deuxième quinzaine de février. Autrement dit, dans un pays comme la France, où on guettait l'épidémie, où on testait les gens, vous n'avez pas d'échantillons, vous avez un mois sans échantillons, en fait, sans données de séquences qu'on arrive à trouver pour le moment, liées à cette épidémie. Donc vous mesurez un peu la difficulté pour faire le même travail dans un pays qui, a priori, au début, n'était même pas du tout au courant qu'il y avait une épidémie. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que c'est aussi une des choses avec lesquelles on est assez familier dans l'équipe au niveau de la modélisation, c'est que si vous prenez les transmissions, les événements de transmission qui conduisent à ce type de zoonose, c'est des événements rares. En fait, ce virus circule, on pense, dans des populations sauvages. Il y a des contacts entre les populations sauvages et soit les populations d'élevage, soit des personnes qui vivent à l'interface avec ces zones sauvages. Mais ça peut être des événements très rares. Ça peut être une personne qui ensuite va en croiser une autre, qui ensuite va en croiser une autre. On peut faire un peu le parallèle, en fait, avec la focalisation sur la transmission du virus par les mains et le fait de plutôt nier, comme ça l'a été pendant assez longtemps, la transmission aéroportée, parce qu'on aime bien avoir quelque chose de concret, on aime bien se dire qu'on a été infecté parce qu'on a touché quelque chose. J'y vois un peu la même chose aussi dans cette volonté je tranche pas entre accident de laboratoire ou pas, mais je vois un peu là-dedans une certaine volonté de donner une cause à ce qu'on vit. On arrive à comprendre un accident de laboratoire. En gros, notre cerveau a plus de mal à appréhender toutes les chaînes d'une zoonose qui sont des événements très rares. On va continuer à discuter des points d'interrogation autour de ce SARS-CoV-2 à l'approche de l'été. Je vous précise que cette question, cette mise à jour des connaissances autour de la question de l'échappement ou non dans le laboratoire, c'était le numéro des idées claires de la semaine dernière qui vous a été déjà reposté sur le site, sur ce fil Twitter de la méthode FC et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info tous les mercredis. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h23, nous parlons donc du SARS-CoV-2 et nous essayons de soulever, d'apporter quelques éléments de réponse, plus exactement aux grandes questions qui continuent à se poser sur notre connaissance scientifique de ce virus. Nous en parlons avec Bruno Lina et Samuel Alizon. Nous avons parlé de l'origine du virus à l'instant. Il y a une autre question qui fait débat, c'est celle de l'évolution du virus. On a beaucoup parlé et on s'est beaucoup inquiété, à juste titre d'ailleurs, de l'apparition de variants. Vous avez entendu parler, ça a été le sujet de plusieurs émissions ici même, du variant britannique, du variant sud-africain, du variant brésilien, du variant indien. Concernant ces variants, Bruno Lina, on dit aujourd'hui que finalement ce sont un peu, pour résumer, mais vous allez le préciser, toujours un peu les mêmes zones qui mutent et donc le virus qui est maintenant sous forte pression de sélection avec les gens qui ont déjà contracté la maladie plus la vaccination, le virus mute toujours un peu aux mêmes endroits et finalement à un moment donné il va avoir un peu joué toutes ses cartes et il pourra plus trop bouger parce qu'il aura essayé de s'adapter au maximum et que ça n'évoluera plus. Et puis il y a une autre hypothèse qui dit que au contraire d'autres types de variations que l'on n'a pas encore vues aujourd'hui peuvent apparaître et peuvent à nouveau compliquer la stratégie d'immunité collective. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà tout cela, Bruno Lina, et nous expliquer quel est votre point de vue à ce propos ? Oui, alors en sachant que c'est un point de vue, et donc forcément, comme seul l'avenir sait ce qui va se passer, c'est une hypothèse, mais sur laquelle on peut réfléchir en tout cas. Alors, en pratique, depuis l'introduction de ce virus, il s'est passé plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle l'introduction, les événements fondateurs, puis après, il y a ce que j'appelle la phase d'expansion, où vous avez le virus qui commence à acquérir une ou deux petites modifications qui permettent au virus d'être plus transmissible, et en l'occurrence, il y a une mutation qui est survenue en février, qui est sur la protéine S, la protéine Spike, qui améliore sa transmissibilité et son immunogénicité en même temps. Et puis après, commence à monter un peu la pression immunitaire, puisqu'il y a des gens qui sont infectés, et on rentre dans une phase d'évolution du virus, et qui correspond à la période d'émergence de ce qui s'appelle les variants. Et si on regarde à l'échelle planétaire, ces variants qui émergent à des endroits différents, émergent peut-être à peu près au même moment, ou en tout cas dans une séquence temporelle qui est très proche. Et maintenant qu'il y a eu ces trois phases, en fait, comment va se passer la suite ? Et la suite, elle a effectivement, comme vous le dites, deux possibilités. Une possibilité qui est un petit peu celle qui a suivi en quelque sorte un autre coronavirus qui a émergé en 1890, qui s'appelle le coronavirus OC43, et qui à un moment donné a trouvé une stabilité génomique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne mute plus, mais antigéniquement, ce virus est très stable maintenant. Ou l'autre possibilité, c'est le virus va suivre une logique équivalente à celle de la grippe, où on sait que, en fait, chaque hiver, pratiquement, il y a une possibilité, alors il le fera peut-être avec un rythme différent, mais une possibilité d'échappement immunitaire et de recréer une capacité épidémique avec une évolution virale. Et donc, là où on discute, en fin de compte, c'est que ce qui est très étonnant, c'est de voir, et rassurant, c'est que voir finalement que lorsque l'on voit apparaître ce qui est appelé des variants, eh bien effectivement, on retrouve sur beaucoup de ces variants des espèces de signatures qui sont des mutations ou des substitutions ou des délétions, c'est-à-dire des modifications du matériel génétique du virus, qui se ressemblent parce que le virus trouve les mêmes solutions un petit peu partout. Et à un moment donné, eh bien, on se demande s'il n'y a pas un épuisement, en quelque sorte, de ces solutions qui conduit à une espèce de goulet d'étranglement évolutif. Je ne dirais pas que c'est un cul-de-sac évolutif, c'est un goulet d'étranglement qui ferait que les mutations additionnelles auraient un coût dans ce qu'on appelle le fitness, c'est-à-dire la capacité du virus à diffuser, à se répliquer, à infecter, et qui ferait que le virus serait moins performant en ajoutant des mutations additionnelles. Voilà un petit peu les scénarios qui peuvent être proposés, en sachant que, de nouveau, avec beaucoup de modestie, même si j'ai une préférence, je ne sais pas ce qui va se passer. Samuel Alizon, pour préciser un peu effectivement cela, est-ce que le virus est en train de jouer maintenant que la pression augmente finalement un peu toutes ces armes? Alors il y a toujours beaucoup d'anthropisation du virus, tout ça n'est pas évidemment ni intentionnel ni calculé, mais la loi des grands nombres faisant que finalement on se retrouve toujours avec un peu les mêmes types de mutations, parce que ce sont celles-là qui fonctionnent tout simplement, et qu'une fois qu'il a épuisé ces mutations-là, ça va moins bien marcher, ou en tout cas on n'aura plus trop de surprises. Vous avez raison d'évoquer la loi des grands nombres, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle. En fait, il y a tellement de virus qui sont produits, chaque personne au cours de son infection va produire des millions de virus, que finalement ces mutations, elles ont un peu toutes été essayées. Donc pourquoi tout d'un coup certaines se retrouvent à faire ce qu'on appelle des variants, c'est-à-dire des lignées qui posent un problème majeur? Et Bruno Lina l'a déjà expliqué, mais j'insiste là-dessus, c'est cette idée que l'avantage de sélection, ce qui fait un virus est plus ou moins adapté, on va dire, dépend énormément de la population dans laquelle il se propage. Mmh. Et donc, c'est là où les prédivisions sont extrêmement difficiles à faire, parce que c'est pas juste un processus évolutif, c'est un processus coévolutif avec notre système immunitaire, le système immunitaire de la population qui va changer, parce que on est vacciné, on a une infection naturelle, et le virus qui évolue en réponse à cela. Le second point, c'est que effectivement, on a vu des événements qu'on appelle d'évolution parallèle, des mutations qui, dans beaucoup de pays différents, apparaissent indépendamment, en fait, et se fixent. Ça, c'est un signal très fort en évolution. Quand vous voyez ça, c'est que, clairement, il y a une pression de sélection homogène qui s'exerce. Mais il peut être dangereux, en fait, de d'une certaine manière, prévoir le futur de l'épidémie à partir de son passé. C'est-à-dire que on peut aussi envisager que initialement il y ait eu des pressions de sélection très fortes. Un être humain, c'est pas exactement la même chose qu'une chauve-souris, et que s'il y avait peu d'options au départ, au fur et à mesure où l'épidémie se développe, d'autres solutions évolutives émergent. Et peut-être sur ce point-là, la très récente émergence du variant B1.617.2 en Inde interpelle un peu aussi, parce que justement ces mutations qu'on commençait à voir repérées, bon, je vais donner les noms barbares, je vous en prie, allez-y, on ne les détecte pas chez ce nouveau variant. Et donc c'est encore une fois une interrogation sur à quel point est-ce qu'on appréhende bien la globalité de ce paysage évolutif. Et on pourra peut-être revenir sur les coronavirus saisonniers, mais c'est vrai qu'il y a des travaux récents qui ont montré, c'est là aussi où cette épidémie est fascinante, parce qu'on va redécouvrir des choses sur des coronavirus qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Et sur le coronavirus saisonnier 229E, l'équipe de Jesse Bloom, par exemple, suggère qu'il y aurait un échappement immunitaire, un peu comme pour la grippe, qui expliquerait pourquoi on peut être réinfecté à peu près à une échelle d'au moins 12 mois. C'est pour le... Là, on parle des rhumes saisonniers. Hein. Voilà, pardon, ouais. Les rhumes saisonniers, ouais. C'est... On pensait en fait que ces rhumes juste se spécialisaient dans les voies respiratoires hautes où il y a une réponse immunitaire moins forte. Il semblerait qu'ils fassent quand même un échappement immunitaire potentiellement pas si différent de ce qu'on observe chez les variants préoccupants aujourd'hui. Parce que si on reprécise un peu, Bruno Lina, tout cela, c'est vrai que on a parlé, on va vous renvoyer une fois de plus à l'émission qui était consacrée justement à ces variants. On parlait justement de ces différentes zones de variation qu'on appelle des points chauds. Et c'est vrai que entre le virus britannique, enfin le variant britannique, le variant sud-africain, le variant brésilien, on retrouve finalement des mutations aux mêmes endroits, qui sont peut-être pas exactement les mêmes, mais qui se passe au même endroit, ou des délétions, je pense à la délétion 69-70, qu'on retrouve, c'est-à-dire des endroits, des nucléotides qui disparaissent et qui donnent des avantages. Est-il vrai aujourd'hui de dire que le variant indien développe une stratégie qu'on n'a pas retrouvée, comme vient de le dire Samuel Lison, dans aucun autre variant, et que là, il y a peut-être justement une entorse finalement à cette règle des points chauds? Alors, oui et non, c'est-à-dire que un des éléments clés de ce variant dit indien, c'est notamment une mutation en 452, qui est une mutation qui est, alors on devient vraiment technique, hein, mais bon. Enfin, on l'est un peu, et puis s'il faut réexpliquer, on essaiera de repréciser les choses. Mais allez-y, je vous en prie. Alors soyons précis. En fait, dans la protéine S, il y a deux régions qui sont très importantes, qui sont ce qu'on appelle S1 et S2, qui font la protéine de surface du virus. Et la partie qui nous intéresse en termes de réponse immunitaire, c'est S1. L'autre partie, S2, c'est une partie fonctionnelle, mais qui est peu ciblée par la réponse immunitaire. Et à l'intérieur de S1, il y a deux sous-régions qui sont importantes. Il y a ce qu'on appelle la zone d'attachement au récepteur, qui est environ une zone de 250 à 300 acides aminés, qui est celle qui porte la plupart des anticorps qui sont très efficaces pour neutraliser le virus, parce que c'est la zone qui interagit avec le récepteur. Et si vous avez un anticorps qui vient se mettre là, eh bien le virus va avoir avoir beaucoup de mal à se coller au récepteur. Et il y a une deuxième région qui s'appelle le domaine N-terminal, c'est parce qu'en fait, dans la structure des protéines, il y a une partie N-terminale et une autre partie qui est C-terminale. Et cette région, on est en train de se rendre compte qu'elle comporte aussi un certain nombre de déterminants qui sont ciblés par les anticorps et qui peuvent être importants en termes d'échappement immunitaire. Or, certains virus que l'on détecte présentent des mutations soit dans le récepteur, soit la zone proche du récepteur, soit dans cette partie N-terminale. Et dans la zone du récepteur, il y a 4 ou 5 mutations qui sont retrouvées de façon assez régulière, dont la mutation, alors en position 417, 452, 484, qui est celle qui joue pour l'immunité, beaucoup, hein, qui est retrouvée dans beaucoup d'échappements immunitaires, 501, qui est celle qui a été la signature aussi, en quelque sorte du variant britannique, mais qui était présent dans d'autres virus. Et puis, il y en a une qui est un petit peu plus loin, qui est en 681, qui peut aussi jouer un rôle en termes d'immunogénicité. Et quand on regarde l'ensemble du panorama des variants que l'on a, eh bien, la plupart des variants significatifs portent 1, 2, 3 ou 4 de ces mutations. Et associé à ces mutations se trouvent des zones de délétion, c'est-à-dire on a tronqué une partie de la partie N-terminale qui, elle aussi, entraîne un échappement immunitaire. Et donc, les variants indiens, parce qu'il y en a 3, il y en a 2 qui posent problème, eh bien, ils comportent un certain nombre de mutations qui avaient été vues dans d'autres virus aux États-Unis, mais qui n'avaient pas eu l'impact qu'a eu le variant indien, clairement. Donc, quelque part, il y a des jeux de mutations. Alors, il y en a d'autres de temps en temps qui apparaissent. Hein. Bien évidemment, je n'ai pas été exhaustive. Mais on a l'impression que quand même, quelque part, actuellement, tout se passe à peu près autour de ces domaines-là, avec 2 régions qui sont particulièrement importantes en termes d'échappement immunitaire. C'est la mutation en 484 et une délétion en position à peu près 242-244. Et en termes d'attachement, il y a ce qui favoriserait la transmission, cette fameuse mutation 501 du variant britannique et potentiellement la mutation 452 qui est un mix entre attachement et échappement immunitaire. Donc on retrouve quand même un petit peu dans ces variants indiens, même si de nouveau le profil est suffisamment spécifique pour qu'on soit capable de les identifier très clairement, hein, en ne confondant pas avec les autres lignages, mais il y a de la redondance par rapport à ce qui avait déjà été observé. Samuel Linlison, un mot pour conclure sur cette question ? Oui, non, juste pour, je pense que c'est important de conclure sur aussi l'immunité vis-à-vis de ces variants et pour rappeler qu'à ce jour, il existe des vaccins, et en particulier les vaccins ARN, qui ont une efficacité très satisfaisante contre, on pense, tous les variants connus, enfin tous les variants préoccupants, et faire le distinguo justement parce que je l'ai fait moi-même, alors peut-être je bats ma coulpe, mais à faire des comparaisons avec les coronavirus saisonniers, parce que là on parle d'immunité naturelle. Et un des enseignements de cette épidémie pour le moment, c'est qu'il y a une grosse différence entre l'immunité naturelle et l'immunité conférée par les vaccins, puisqu'on pense aujourd'hui, notamment dans le cas du Brésil, que la deuxième vague a été en grande partie associée à un échappement de la réponse immunitaire naturelle. Donc voilà, pour rappeler que on a quand même une réponse vis-à-vis des vaccins qui, pour le moment, est je dirais, rassurante vis-à-vis des variants. Et on va continuer à se projeter dans le futur, à court, moyen et long terme, pour essayer de voir bien quels sont les derniers points d'interrogation qui restent et si on peut peut-être commencer ou non à espérer le début de la fin de cette pandémie. Bois de Diane d'Alexandre Delano à 16h38 sur France Culture. Nous faisons le tour, ou nous essayons de faire le tour en tout cas, des grandes questions qui continuent de se poser à la recherche autour du SARS-CoV-2 et du coronavirus, en compagnie de Bruno Lina, qui est professeur de virologie au CHU de Lyon, et Samuel Alizon, qui est biologiste de l'évolution et directeur CNRS affecté au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs à Montpellier. Une autre série de questions reste en suspens et elle a à voir avec le Covid long, dont nous avions déjà assez longuement parlé ici, des symptômes prolongés jusqu'à plusieurs mois après l'infection qui peuvent être très disparates et qui touchent surtout des populations plus jeunes et plutôt en bonne santé. Le tout pour avancer bien sur la compréhension de cette chronicité. Et bien une équipe du Centre d'épidémiologie clinique de l'Hôtel Dieu à Paris a lancé une étude observationnelle sur des milliers de patients et c'est ce à quoi vous êtes intéressé aujourd'hui. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. En fait, à ce jour, il n'y a pas de consensus pour définir ce qu'est précisément la forme longue de la maladie. Lésions pulmonaires, persistance virale, fatigue extrême, le spectre symptomatique est large et variable selon les sujets. C'est pourquoi les professeurs Philippe Ravo et Viet Titran ont élaboré une méthode pour arriver à mesurer rigoureusement la sévérité de la maladie. Une méthode publiée dans Clinical Infectious Disease fin avril, qui a été développée à l'aide d'une cohorte de plus de 1000 patients et patientes souffrant de maladies chroniques, la cohorte Compare, qui, en répondant à un questionnaire en ligne, a permis d'aboutir à un outil d'évaluation. Un travail qui a fourni une base scientifique solide pour évaluer la Covid longue, ce qui aidera à améliorer la prise en charge clinique. En fait, en fin d'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait le problème du Covid long et qu'il y avait beaucoup de similarités avec les maladies chroniques. Et donc, on a pris le parti dans Compare, qui est d'abord un outil pour étudier les maladies chroniques, d'étudier le Covid long. Et donc, l'idée qu'on avait, donc, c'était d'étudier le Covid long comme une maladie chronique. Et donc, on a enrôlé les patients qui avaient du Covid long, quel que soit leur âge, leur statut, etc., dans cette cohorte afin de pouvoir les suivre dans le temps pour voir comment leurs symptômes évoluent, pour voir leur prise en charge, leur expérience du soin, et éventuellement aussi voir s'il y a des traitements qui peuvent aider ou pas. Ce qui est original aussi dans ce travail, c'est qu'on n'a pas d'a priori au départ sur les symptômes que peuvent présenter les patients. Donc on demande aux malades, vous, quels sont les symptômes que vous reliez à un Covid long, sans aucun a priori au départ et sans une liste préétablie de critères. Oui, puisqu'à ce stade, j'imagine que ce sont des travaux qui sont menés un peu dans tous les états. Il faut arriver à se coordonner, à s'établir sur un vocabulaire, une sémantique ou des critères. Exactement. Ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. C'est-à-dire que notre premier travail, c'était de développer une mesure scientifique robuste et fiable pour pouvoir standardiser la manière dont on évalue le Covid long, à la fois en recherche clinique, mais également aussi en pratique. Alors justement, cette étude s'est déroulée en deux phases. La première, entre octobre et novembre dernier. Comment avez-vous sélectionné les patients et patientes? Enfin, vous pouvez décrire un peu les critères? En fait, en termes de représentativité, etc., le principe dont on part en termes de représentativité, c'est que ce n'est pas une cohorte représentative de la population nationale. C'est-à-dire qu'à et là, il y a beaucoup de femmes. Comme le recrutement se fait par type de maladie et qu'on a par exemple beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, eh bien, il y a une surreprésentation des femmes dans Compare, comme dans la plupart des cohortes de ce type, parce que les femmes sont plus intéressées à participer à ce type de cohorte et répondent plus facilement à ce type de cohorte. Et alors, peut-être pour répondre vraiment spécifiquement à votre question, il n'y avait pas de critères, il y avait quelques critères de sélection des patients. En tout cas, les critères d'inclusion, c'était qu'ils devaient avoir eu une infection par la Covid, qu'elle soit confirmée par une PCR ou une sérologie ou suspectée. Et en fait, on a pris le parti aussi d'inclure les gens qui avaient une infection seulement suspectée, c'est-à-dire sans test, parce qu'au moment de la première vague, en fait, il n'y avait pas eu tant de tests que ça, et il y a eu beaucoup de gens qui ont pu attraper la Covid sans avoir de test. Deuxièmement, le deuxième critère, c'est que c'était seulement des adultes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant qui a été inclus dans l'étude, et de manière générale, il n'y a pas d'enfants dans Compare. Et après, les gens se sont connectés et ont participé au projet. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez élaboré un outil de mesure assez fiable pour standardiser ou jauger du degré de gravité de la maladie? Oui, alors l'idée vraiment, c'était de repartir de zéro dans le Covid long et de repartir à la base, c'est-à-dire créer un questionnaire permettant d'identifier tous les symptômes tels que rapportés par les patients et deuxièmement, avoir une idée de la gêne ou des difficultés rencontrées par les patients à cause de ces symptômes. Donc c'est ça ce qui a été fait dans cette étude. Juste pour compléter, en fait, on s'est vraiment focalisé sur l'expérience vécue de la maladie par les patients, donc vraiment les symptômes. C'est-à-dire qu'on a exclu de ce que racontaient les gens, par exemple, en texte libre, tout ce qui avait trait à des anomalies biologiques, des anomalies des examens complémentaires. L'idée, c'était de se concentrer pour créer un questionnaire qui permettait de bien capturer les symptômes et qui pourrait être complété par d'autres examens, etc. Donc ce n'est pas un outil unique pour évaluer la sévérité, c'est une pièce parmi plusieurs autres pour évaluer la sévérité. Alors, un extrait des questionnaires, c'est là. Donc en fait, l'outil qu'on a créé se décompose en deux parties. Une première partie, c'est une checklist de 53 symptômes ou manifestations de la maladie. Par exemple, le fait de tousser, le fait d'avoir des douleurs thoraciques, le fait d'avoir des maux de tête, etc. Et donc la deuxième partie, c'est l'impact de la maladie, via 6 questions qui interrogent les patients sur l'impact de la maladie sur leur vie sociale, familiale, professionnelle, les relations avec leurs soignants, etc. Et donc les deux instruments sont vraiment complémentaires. Il y en a un qui sert vraiment à voir à quel point le patient a beaucoup de symptômes, et le deuxième à voir à quel point ces symptômes, ou éventuellement leur prise en charge, impactent le quotidien des patients. Quelle sera pour vous la suite de ce travail-là ? Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise donc l'outil qu'on a développé pour suivre les patients dans le temps, et donc voir à quel point les symptômes évoluent dans le temps, quels symptômes apparaissent, quels symptômes disparaissent, est-ce qu'il y a des symptômes, par exemple, qui ont tendance à être là, puis ne plus être là, puis revenir, etc. Et puis un deuxième travail auquel on réfléchit mais qui n'a pas encore vraiment commencé, c'est éventuellement de voir s'il y a des traitements qui peuvent soulager les symptômes du Covid long. Alors c'est pas un essai, mais c'est plutôt de voir si par exemple les gens qui ont été vaccinés après ont moins de symptômes. Et puis l'étape suivante encore, ça sera d'identifier des facteurs prédictifs de survenue de Covid long ou de survenue d'un Covid long sévère. Et tout ça nécessite probablement d'avoir des cohortes plus importantes. Et on est en train, en particulier, de travailler avec des collègues un peu partout en Europe et aussi aux États-Unis pour répondre à des appels d'offres qui permettront de joindre plusieurs centaines de milliers de malades dans des cohortes pour travailler sur ces questions qui nécessitent des quantités de patients importantes. Voilà, beaucoup de questions encore, comme vous l'entendez, autour de ce Covid long. Peut-être une réaction assez rapide parce qu'il nous reste encore pas mal de points à aborder. Bruno Lina. Ouais, c'est un travail extrêmement ambitieux sur le Covid long parce qu'on voit qu'en fait on a affaire à probablement plein de pathologies différentes qui sont les conséquences des infections Covid, mais on va avoir des choses qui vont être immunologiques, d'autres qui vont être un petit peu plus complexes. Donc c'est important de récupérer les informations pour essayer de commencer par classer ces patients, les mettre en groupe et essayer de comprendre la physiopathologie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont développé ces maladies. Samuel Alizon. Et bah moi, je voulais juste souligner l'aspect interdisciplinaire de la recherche avec, on a entendu Viet Thi Tran qui est professeur en mathématiques et statistiques, et c'est quelque chose dont on a énormément besoin. Et en fait, pour un peu compléter ce que dit Bruno Lina, ce problème du Covid long, c'est un défi aussi au niveau statistique parce que comme on travaille sur des effectifs qui sont potentiellement biaisés, il faut pouvoir corriger pour ça. Et j'en profite aussi pour ajouter, j'avais pensé à le mentionner tout à l'heure, mais ça fait réfléchir aussi quand on parlait de l'impact des vaccins. On se focalise beaucoup sur les vaccins en termes de décès évités. Ce qu'on voit avec le Covid long, même s'il reste énormément d'inconnus, c'est qu'il faut aussi potentiellement inclure ça dans l'équation. Et il y a des collègues qui ont essayé de quantifier ça. Bon, c'est des mesures qu'on peut critiquer pour énormément de raisons, mais les Cali ou les Dali qui mesurent le nombre d'années de vie en bonne santé qui sont sauvées, en fait. Et donc voilà, le Covid long, c'est vraiment quelque chose à mettre dans l'équation aujourd'hui, même s'il y a énormément de points d'interrogation à ce stade. J'aimerais avec vous, dans ce dernier quart d'heure d'émission, qu'on examine un peu ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire encore, justement, à court, moyen et long terme. À court terme, c'est cet été, je le disais au tout début de l'émission. Aujourd'hui, on peut dire, Samuel Alizon, que tous les indicateurs sont vraiment au beau fixe. Ou est-ce qu'il faut le... Est-ce qu'il faut le mesurer un peu ou les prévisions sont très dures surtout quand elles concernent le futur mais non plus sérieusement plus on s'éloigne dans le temps plus notre capacité à faire des prévisions diminue et en particulier quand on est dans un état de changement sur le contrôle de l'épidémie c'est là où nos capacités sont vraiment amoindries. en ce moment, on est clairement dans cet état. C'est-à-dire là, on est dans un état où, en fait, je ne pourrais pas vraiment vous faire de prévisions sur les deux prochaines semaines parce que, on a eu la levée du confinement qu'on attendait tous. Et du coup, là, en fait, pendant deux semaines, on est un peu dans l'attente. Donc là, à court terme, on est vraiment dans le moment, je dirais, où c'est le plus dur. Il y a quand même des signes positifs. C'est-à-dire que quand on a mesuré les effets du confinement, vous savez qu'on peut pas voir tout de suite les effets d'une mesure en santé publique, en particulier sur les indicateurs hospitaliers. Les premiers retours qu'on a eu des chiffres hospitaliers étaient mitigés, c'est-à-dire qu'on avait un nombre de reproductions qui était de 0,9, c'est-à-dire qu'en moyenne, 10 personnes en infectaient 9, ce qui était limité. Beaucoup de modèles prévisionnels de notre équipe, de l'Institut Pasteur, se sont basés là-dessus. La bonne nouvelle, ça a été que deux semaines plus tard environ, on a vu une accélération de l'effet du confinement, qui est délicate à expliquer parce que on n'a pas le même niveau de suivi de l'épidémie qu'ont les Britanniques, par exemple. C'est assez cohérent avec un effet décalé de la fermeture des écoles. Mais bref, la bonne nouvelle a été une accélération de l'effet de ce confinement. Depuis une semaine ou deux, on voit justement plutôt un retour vers un nombre de reproductions à 0,9. Donc là, on est dans l'expectative, on croise les doigts, en fait, comme disait Bruno Lina tout à l'heure, on a le scénario qu'on préfère tous, c'est-à-dire d'avoir une épidémie encore complètement sous contrôle dans deux semaines. Là, à ce stade, sur le court terme, je ne pourrais pas en dire plus. Bruno Lina, il y avait effectivement des modélisations produites par l'Institut Pasteur qui expliquaient que si le déconfinement était trop rapide ou mal géré, on n'était pas à l'abri d'une quatrième vague au cours de l'été. Cette modélisation a été remise à jour et a priori, l'Institut Pasteur est un peu plus optimiste qu'il ne l'était au tout début. Qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement sans être dans la boule de cristal ou les devinettes au doigt mouillé? Non, mais j'ai totalement d'accord avec Samuel. C'est-à-dire que, en pratique, aujourd'hui, avec les modèles que l'on a, avec les données que l'on a et avec ce que l'on observe, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, les signaux sont positifs et on est plutôt dans une vague de décroissance qui peut être plus ou moins rapide, mais on est dans une vague de décroissance. Et tout ceci ne prend pas en compte l'imprévu. Et tout ceci doit nous rendre très humbles par rapport à comment on peut se projeter à 10 jours et 15 jours, parce que c'est quand même... Tout ceci est très tributaire du comportement de tout le monde et de voir si on continue à avoir une maîtrise de la circulation du virus, comme on le voit jusqu'à présent, ou est-ce que, avec le relâchement un petit peu trop rapide des mesures barrières et des mesures d'hygiène, on rebascule sur un niveau de circulation qui pourrait être éventuellement, pour faire un scénario catastrophe, compliqué par l'apparition d'un virus qui se transmettrait mieux et qui serait pas bien contrôlé. Et à ce moment-là, on s'expose à une reprise épidémique, alors qu'il ne sera pas à la hauteur de ce qu'il y a eu, parce que la composante vaccination va avoir un impact. Et comme Samuel le disait plus tôt, ce vaccin, il marche contre l'ensemble des virus qui circulent. Quand on parle de variants, il s'agit beaucoup plus de variants moléculaires que de variants antigéniques. Aujourd'hui, le vaccin marche sur tous les virus qui circulent. Donc, l'accélération de la vaccination est un atout pour nous, mais il faut qu'on soit quand même extrêmement prudent et certainement pas imaginer que tout est derrière nous. Ça, c'est pas vrai. Sur l'évolution de la vaccination, le Royaume-Uni a commencé à tester l'administration d'une troisième dose. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ça veut dire que on va tous devoir repasser à la vaccination à l'automne? Qu'est-ce qu'on peut en dire dans l'état actuel des choses, Bruno Lina? Ça doit faire partie des choses qu'on doit avoir en tête. Avant de parler de la troisième dose, faisons d'abord la vaccination une dose et deux doses à une majorité de Français, de façon à ce que, comme ça avait été évoqué en début d'émission, à la fin du mois d'août, on soit avec un niveau de vaccination qui soit très élevé et qui nous permette vraiment d'être dans des circonstances, et du point de vue immunitaire en tout cas, d'avoir une vraie stratégie, enfin une politique de freinage du virus du fait de l'immunité collective. Et ça marche remarquablement bien. Et ça marche sur tous les variants qui circulent actuellement. Si jamais on a un vrai variant antigénique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire un virus qui présente une différence tellement importante qu'il échappe complètement à la réponse immunitaire, dans ces conditions, cette troisième dose sera indispensable. Si on a un un mutant qui présente une variation partielle, mais qui peut éventuellement, notamment chez les plus fragiles, être responsable de formes sévères, parce qu'il y aurait un échappement significatif. Hein. De nouveau, ce qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui avec aucun des virus qui circulent. Hein. À ce moment-là aussi, il faudra probablement proposer une troisième dose aux plus fragiles. Il faut qu'on se prépare à le faire, mais si ça se trouve, on n'en aura pas besoin. Question également en suspens, Samuel Alizon, est-ce qu'il faut commencer à vacciner les adolescents et pourquoi pas les enfants ? Alors, c'est clairement la question se pose. Des pays ont commencé, hein, des avis ont été rendus. Le plus important, évidemment, c'est de vérifier que la balance coût-bénéfice au niveau individuel est bien va dans le bon sens pour les enfants. C'est des choses qui ont été commencées parce que un point aussi important, c'est que les vaccins protègent, mais ils protègent 10 jours après la deuxième dose. Donc là aussi, on est un peu quand même toujours dans une course à la montre, comme l'avait très bien résumé le Conseil scientifique dès janvier. On est toujours dans cette course contre la montre et finalement, les enfants sont beaucoup moins susceptibles aux formes sévères, hein, c'est 100 à 1000 fois moins que leurs parents, on pense qu'il n'en reste pas moins un vecteur de transmission du virus. Parce que dans toute épidémie, vous avez la composante biologique. Et là, les enfants, au niveau biologique, sont plutôt moins concernés, je dirais, que les adultes par cette épidémie. Mais il y a la dimension comportementale. Et là, les enfants sont très sociaux. Ils ont des contacts rapprochés avec beaucoup de personnes, et en particulier avec eux-mêmes. Donc, du niveau de contrôle de l'épidémie, ça va jouer. Et d'autant plus que, au final, pour savoir... cette question de la troisième dose et de la vaccination des enfants, c'est aussi à mettre en parallèle avec le contrôle sur l'épidémie. Si vous vivez dans un pays confiné, vous n'avez pas besoin de vaccination, mais le but, c'est évidemment d'avoir le moins de restrictions possible. Donc cet équilibre entre troisième dose, vaccination des enfants, ça va être un équilibre à trouver. Idéalement, en concertation avec tout le monde, là, c'est vrai que là-dessus, la France est... Et pas, bref, on va pas détailler, mais il y a un équilibre à trouver. Hein, le point principal, c'est entre les différentes mesures de contrôle qui sont vaccination et les autres types d'interventions non pharmaceutiques. Bruno Lina, sur la vaccination des, disons au moins des lycéens, peut-être des collégiens, ça se jouerait, jusqu'à quel âge il faudrait vacciner, à votre avis, si on doit vacciner les enfants? C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de l'objectif que l'on veut avoir. Si par exemple on a aujourd'hui, ça a été très bien dit, hein, la dangerosité du coronavirus chez les enfants, elle n'est pas pour l'enfant, elle est pour son entourage et éventuellement sa capacité à transmettre le virus à des personnes fragiles qui auront un vaccin qui sera potentiellement moins efficace en termes d'échappement à l'infection que un jeune pourrait avoir. Donc on est vraiment sur un objectif de santé publique et d'immunité collective beaucoup plus que sur un bénéfice individuel. Mais il reste quand même un bénéfice individuel qui peut être pas immédiat, mais très proche. Hein, un enfant vacciné protège ses grands-parents. Alors, derrière, il faut qu'on comprenne aussi le niveau de transmission du virus et la circulation cryptique, c'est-à-dire la circulation non visible que l'on a pu observer notamment dans les collèges et dans les lycées. Et globalement, on sait que une vaccination qui se ferait dans ces groupes d'âge aurait potentiellement un impact important sur le risque épidémique, stricto sensu. Mmh. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faudra discuter de cette vaccination. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse au type de vaccin qu'on va utiliser dans cette population-là, parce que le vaccin ARN messager est un vaccin tout neuf, c'est un vaccin qui est remarquablement performant, c'est pour ça qu'il est aussi bien accepté. Et malgré tout, on peut se dire que des vaccins un petit peu plus classiques, protéines recombinantes ou des vaccins avec d'autres stratégies vaccinales, pourraient avoir un rôle aussi, parce que mieux tolérés, mieux supportés, avec plus de recul en termes d'utilisation, pour protéger des âges plus jeunes. Voilà, c'est vraiment une discussion à avoir et savoir pourquoi on vaccine et comment on vaccine quand on mettra les enfants dans la boue. Merci beaucoup en tout cas tous les deux. Merci Bruno, Lina, merci Samuel Alizon d'être venu nous parler de ces points d'interrogation qui restent autour de notre connaissance scientifique du Covid et du SARS-CoV-2. Samuel Alizon, je rappelle qu'on peut vous lire au Point Seuil dans votre essai Évolution, écologie et pandémie. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Noémie Aguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation, à la technique, Anthony Thomasson. Demain, de l'eau, du carbone, la vie. C'était si simple, ça se saurait. Que se passe-t-il dans des conditions différentes? Comment envisager ce que pourrait être la vie ou l'apparition de la vie dans des conditions distinctes de celles de notre bonne vieille Terre? C'est la question exobiologique que nous nous poserons demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.